Kafka sur le rivage. Murakami Haruki. Umibe no Kafka. De Haruki Murakami. Traduction Corinne Atlon. Adaptation Juliette et Marie. Dai 11 wa. De temps en temps, je ne me retrouve plus moi-même. Qu'est-ce que je suis à ton avis? Puisqu'on parle de ça, vous savez, Oshima-san, moi non plus, je sais pas très bien qui je suis. Une vraie belle au bois dormant. La Kata ne sait pas combien de temps, mais il a l'impression d'avoir dormi très longtemps. Il a l'impression de renaître. Un jour, tu tueras ton père de tes mains, et tu coucheras avec ta mère et ta sœur. Onzième épisode. Bonjour. Bonjour, mademoiselle Saiki. Mademoiselle Saiki est vêtue d'une robe bleu marine à manches courtes. Elle a un sac à l'épaule et une veste de coton posée sur son bras. Elle ne porte presque pas de bijoux et est très peu maquillée. Mais quelque chose en elle éblouit. Ne t'inquiète pas, mon petit Kafka. Ta présence ne lui pose aucun problème. Elle est tout à fait d'accord. C'est une personne qui ne s'encombre pas de propos inutiles. C'est tout. Hey. Regarde ces deux femmes qui viennent d'entrer. Elles ne lisent pas. Qu'est-ce qu'elles font ici, à ton avis ? Aucune idée. Ah, on dirait des fonctionnaires des impôts inspectant des stocks. En quoi puis-je vous aider, mesdames ? Nous faisons partie d'une association chargée d'étudier les aménagements des établissements culturels publics du point de vue des femmes. Nous avons été chargés de visiter cette bibliothèque. J'irai droit au but. Nous avons relevé un certain nombre de problèmes. Du point de vue des femmes ? Du point de vue des femmes, absolument. Bon, j'aimerais en discuter avec l'administration, si cela ne vous dérange pas. Nous ne sommes pas assez importants pour avoir une administration officielle, mais je serais heureux de vous répondre, si ça vous convient. Premier point. Vous ne disposez pas de toilettes pour femmes. Les commodités sont communes aux deux sexes, c'est exact. Absolument. En principe, même pour les établissements privés, les toilettes hommes et femmes doivent être séparées. En principe ? Oui. Des toilettes communes sont la porte ouverte à toutes sortes de harcèlement. D'après notre enquête, la plupart des femmes répugnent à utiliser les WC communs. Votre établissement est clairement négligent à l'égard de ses usagers de sexe féminin. C'est de l'omission intentionnelle. De l'omission intentionnelle ? Comme vous pouvez le constater par vous-même, cette bibliothèque est toute petite. Et nous n'avons pas assez de place pour installer des WC séparés. Ce serait préférable, j'en conviens. Mais jusqu'à présent, nous n'avons enregistré aucune plainte de la part de nos lectrices. J'aimerais soulever un autre point. Nous avons remarqué que les auteurs hommes et femmes sont classés séparément chez vous. En effet. Ce catalogue a été créé par nos prédécesseurs qui classaient séparément les écrivains hommes et les écrivains femmes. Nous avons le projet de refaire les index, mais le temps nous a manqué. Ce n'est pas ça que nous critiquons. Dans tous les classements de cet établissement, les auteurs hommes viennent avant les auteurs femmes. Cette disposition va à l'encontre de l'égalité des sexes. C'est une injustice flagrante. Dites-moi, mesdames... Est-ce que la lettre G se fâche sous prétexte qu'elle est après la lettre F ? Et est-ce que la page 68 d'un livre fait la révolution pour la seule raison qu'elle est après la page 67 ? Ce n'est pas la même chose. Vous cherchez à détourner la conversation. Je cherche à détourner la conversation. Oseriez-vous prétendre le contraire ? Red herring. C'est une expression anglaise. Elle désigne un sujet intéressant et qui vous entraîne un peu loin de la proposition principale. Une digression, en somme. Red herring signifie art en rouge. J'ignore d'où vient cette expression. Excusez mon manque de culture. Qu'il s'agisse de hareng ou de macro, vous détournez la conversation. Et vous vous moquez de nous? Pas du tout. Ce que je veux dire, en fait, c'est que vous pourriez trouver, pour vérifier si les droits légitimes des femmes sont respectés dans ce pays, des moyens plus efficaces que de venir fouiner dans une petite bibliothèque de province, critiquer l'aspect des toilettes et chercher les défauts du catalogue. Ici, nous faisons de notre mieux pour rendre cette modeste bibliothèque utile à la communauté et pour offrir à nos visiteurs un service aimable et de qualité. Au lieu de vous focaliser sur ce que nous n'avons pas su faire, regardez plutôt ce que nous avons réussi à accomplir en réalité. C'est ce qu'on appelle le fair play en anglais. Ces affirmations vides de sens ne vous servent qu'à fuir vos responsabilités. Vous utilisez ce terme bien commode de réalité pour vous justifier à bon compte. Si je puis me permettre, vous êtes un exemple historique pathétique de machisme. Ça signifie que vous êtes un macho mâle typique qui pratique une discrimination sexiste. En vous montrant insensible à la souffrance des femmes, vous contribuez à préserver les droits acquis des hommes. Et vous ne cherchez même pas à comprendre quel mal votre aveuglement cause aux femmes et à la société en général. Les problèmes de toilettes et de catalogues sont de simples points de détail. Mais c'est à travers les détails qu'on peut cerner l'ensemble. Il faut bien commencer par les détails pour parvenir à soulever le voile aveuglant qui recouvre la société. Tel est le principe de notre action. Et toutes les femmes qui ont un cœur ressentent les choses de cette manière. Ce que vous dites est fondamentalement erroné. Je ne suis certainement pas un exemple historique pathétique de machisme mâle typique. Pouvez-vous nous expliquer en quoi nous nous trompons si fondamentalement? Bon, ben nous voilà dans le chicocou, Pépi. Et maintenant, as-tu une révélation à propos de ce que tu dois faire, où tu dois aller? Non. Nakata ne sait toujours rien. C'est bien embêtant. Monsieur Oshino. Ouais. Je suis confus, mais Nakata doit dormir. Nakata a terriblement sommeil. Tellement sommeil que je risque de m'endormir ici tout de suite. Attends une minute, tu peux pas t'endormir ici. Je vais nous trouver tout de suite un endroit où passer la nuit. Patiente un tout petit peu. Entendu, Nakata va faire un effort pour ne pas s'endormir. Et puis on n'a pas encore bouffé. Nakata n'a pas envie de manger. Juste de dormir. Quelle vie insouciante il a, ce vieux. Est-ce bien moi, Oshino, qui suis là, dans cet hôtel bon marché, en compagnie de ce vieil homme bizarre? Normalement, à cette heure-ci, je devrais être au volant de mon camion, sur la route du retour. Je serai déjà aux environs de Nagoya. Alors qu'est-ce qui m'a pris de dire à mon employeur que je prenais 3 jours de congé? Maintenant, je me retrouve dans le chicocou, avec ce Nakata. Quel étrange bonhomme. Et quelle drôle de façon de s'exprimer. Ce vieux-là, c'est fou ce qu'il a l'air paisible quand il roupille. Il ressemble vraiment à mon grand-père. Et dire qu'il ne sait même pas où il doit aller. Ouais. Tout ça est vraiment bizarre. Bizarre. Alors, pouvez-vous nous dire en quoi nous nous trompons si fondamentalement? Tout d'abord, je ne suis pas un homme. Je suis une femme. Bon, épargnez-nous vos mauvaises plaisanteries. Ah mais tenez, vous n'avez qu'à lire. C'est mon permis de conduire. Tu veux voir aussi? Non. D'un point de vue biologique, comme pour l'état civil, je suis une femme. Voilà pourquoi votre raisonnement est fondamentalement erroné. Je ne peux pas répondre à votre définition du macho mâle typique. Mais... Toutefois, si mon corps est féminin, Mon esprit est complètement masculin. Je vis avec une conscience d'homme. Aussi avez-vous peut-être raison en ce qui concerne l'exemple historique. Et je suis peut-être un fiéfé sexiste. Simplement, j'ai beau m'habiller en homme, je ne suis pas lesbienne. Ma préférence sexuelle va aux hommes. Autrement dit, je suis une femme, mais je suis gay. Et je ne me suis jamais servi de mon vagin pour des rapports sexuels. Uniquement de mon anus. Mon clitoris réagit à l'excitation, mais pas mes seins. Et je n'ai jamais eu de règles. Alors, envers qui pourrais-je me montrer sexiste? Est-ce que quelqu'un pourrait me le dire? Bon, maintenant veuillez m'excuser, mais c'est l'heure de déjeuner et mon repas m'attend. Je vous laisse. Mais prenez votre temps, hein. Cette bibliothèque est ouverte à tous les citoyens. Tant que vous respectez le règlement et ne dérangez pas les autres lecteurs, vous êtes libre de faire ce que bon vous semble. Tout d'abord, je ne suis pas un homme. Je ne suis pas un homme. Je suis une femme. Je suis une femme. Je ne crois pas qu'il va prendre le petit déjeuner. Ça alors? Qu'est-ce qui dort? Jamais vu ça. Mince, il est plus de 2 heures. Il n'a pas l'air malade pourtant. C'est normal de dormir aussi longtemps? Ce n'est pas mauvais pour la santé. Il était fatigué. Il récupère. Faut le laisser roupiller. Ah bon? En tout cas, je n'ai jamais vu quelqu'un dormir aussi profondément. Il est 9h30. Ça fait plus de 24 heures que le vieux roupille. Dormir aussi longtemps tout de même? Et s'il ne se réveillait pas? Eh bien, ma veine. Tu sais, Kafka Tamura, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est la pure vérité. Quand vous disiez que vous étiez une personne spéciale, Oshima-san, c'était dans ce sens-là? Tu vois que je n'exagérais pas. D'un point de vue sexuel, je suis une femme, sans aucun doute là-dessus. Mais mes seins ont à peine poussé, je n'ai jamais été réglée. Je n'ai ni pénis, ni testicules, et je suis imberbe. En fait, je n'ai rien. Pour me sentir léger, je me sens léger. Tu ne peux pas comprendre ce que c'est. C'est sûr. De temps en temps, je ne m'y retrouve plus moi-même. Qu'est-ce que je suis, à ton avis ? Puisqu'on parle de ça, vous savez, Oshima-san, moi non plus, je sais pas très bien qui je suis. La quête de l'identité, classique. Mais toi, tu as au moins quelques points de repère, pas moi. Je m'en fiche de ce que vous êtes. Je vous aime, c'est tout. Merci. Je suis un peu différent des autres, c'est vrai, mais au fond, je suis un être humain. J'espère que tu comprends ça. Je ne suis pas un monstre, je suis normal. Je ressens les mêmes choses que tout le monde. J'agis comme tout le monde, mais parfois, cette petite différence devient un véritable gouffre. Pourtant, je ne peux rien y faire. J'avais l'intention de t'en parler à la première occasion. Je préférais te le dire moi-même avant que quelqu'un d'autre s'en charge. Alors aujourd'hui, disons que c'était une excellente occasion. Pas très agréable toutefois. C'est sûr. Tel que tu me vois, j'ai été victime de nombreuses discriminations dans ma vie. Et je pense que j'ai soif d'égalité et de justice, autant que n'importe qui. Mais je déteste par-dessus tout les gens qui manquent d'imagination. Ceux que T.S. Eliot appelait les hommes vides, ils bouchent leur vide avec de la paille et ne se rendent pas compte de ce qu'ils font. Et avec leurs mots creux, ils essayent d'imposer leur propre insensibilité aux autres, comme nos deux visiteuses de tout à l'heure. les gays, les lesbiennes, les hétéros, les féministes, les cochons de fascistes, les communistes, les Hare Krishna, et j'en passe. Aucun d'eux ne me dérange. Ce que je ne supporte pas, ce sont les gens creux. Ceux-là me font perdre à tout contrôle. Je finis par dire des choses que je ne devrais pas dire. Et tout à l'heure, j'aurais dû les laisser parler, prendre ça à la légère. Ou alors, j'aurais pu appeler Mademoiselle Saeki et la laisser s'en charger. Elle est capable d'affronter ce genre de personnes en gardant le sourire jusqu'au bout. Moi, j'en suis incapable. Je ne sais pas me contrôler. C'est mon point faible. Et sais-tu pourquoi c'est une faiblesse ? Parce que si vous deviez vous occuper sérieusement de tout ce qui manque d'imagination, ce serait épuisant. Et surtout, ça n'aurait jamais de fin. Oh, papy, t'es enfin revenu parmi nous ? Oui. Nakata s'est réveillé tout à l'heure. Nakata ne sait pas combien de temps, mais il a l'impression d'avoir dormi très longtemps. Il a l'impression de renaître. Très longtemps n'est pas le mot. Tu t'es endormi avant-hier à 9h du soir, alors tu as dû dormir à peu près 34 heures d'affilée. Une vraie belle au bois dormant. Nakata a très faim maintenant. Ben, je comprends, tu n'as rien mangé depuis 2 jours. Et vous, au moins, vous ne faites pas les choses à moitié. Quand vous dormez, et une fois réveillé, vous ne vous laissez pas abattre. Vous avez mangé pour 2 jours, là. Oui, Nakata a besoin de manger beaucoup. Vous avez la santé? Oui, Nakata ne sait pas lire. Mais il n'a jamais eu de caries, n'a jamais eu besoin de lunettes, et n'est jamais allé voir un médecin. Nakata n'a jamais eu de torticolis non plus. Et il fait la grosse commission tous les matins. Vous m'en direz tant. Et qu'est-ce que vous comptez faire aujourd'hui ? Nous allons vers l'ouest. Ah, l'ouest ? Vers Takamatsu alors ? Nakata n'est pas très intelligent. Il ne connaît rien à la géographie. Ben allons toujours jusqu'à Takamatsu et une fois là-bas, on réfléchira à ce qu'on fera. Pas vrai ? Oui, allons jusqu'à Takamatsu. Et nous réfléchirons après. Vous avez une manière originale de voyager. Ça, c'est sûr. Le sculpteur Koichi Tamura assassiné à coups de couteau. Son corps retrouvé à son domicile dans une mare de sang. Le sculpteur mondialement connu Koichi Tamura a été retrouvé mort à son domicile de Nogata, arrondissement de Nakano, Tokyo, dans la matinée du 29. Sa femme de ménage l'a découvert dans son bureau, étendu à plat ventre et entièrement nu, sur le plancher couvert de sang. Il y avait des traces de lutte. Selon toute probabilité, il s'agirait d'un assassinat. L'arme du crime, un couteau qui venait de la cuisine de la victime, a été retrouvé par terre à côté du corps. D'après le communiqué de la police, le meurtre aurait eu lieu dans la soirée du 28. Le sculpteur a été poignardé au niveau de la cage thoracique à l'aide d'un couteau de boucher. Une hémorragie abondante du cœur et des poumons aurait provoqué une mort immédiate. Des gens saigneront et toi aussi tu saigneras. Il faut me tuer sans hésiter, avec peur et avec haine. D'abord tu as peur de moi, ensuite tu me détestes et finalement tu m'assassines. La victime, qui avait également quelques côtes cassées, semble avoir reçu des coups ou des chocs violents. Un sang chaud et rouge coulera. Si vous continuez, je vais avoir un coup de folie. Nakata a déjà l'impression de ne plus être lui-même. À l'heure actuelle, la police n'a communiqué aucune information concernant des empreintes digitales ou d'éventuels indices trouvés sur place. Il semble n'y avoir eu aucun témoin. Tu recueilleras ce sang dans tes mains. Ce sera ton sang et le sang des autres. Je te l'ai dit tout à l'heure, c'est la guerre ici. Ce n'est plus accessible ni à la logique, ni au raisonnement. Le célèbre sculpteur vivait avec son fils âgé de 15 ans, mais d'après la femme de ménage, Ce dernier n'avait pas été vu au domicile depuis 10 jours. Monsieur Johnny Walken, je vous demande à nouveau, arrêtez tout ceci. L'adolescent étant également absent du collège, la police a lancé un avis de recherche. L'inconscient humain était le sujet de prédilection de Monsieur Tamura et son style. C'est ça. Aussi innovant qu'audacieux. Très bien. Tiré une solide réputation internationale. Frappe-moi sans hésiter. Bravo. Le journal date d'avant-hier soir. Quand cet article est paru, tu étais là-haut, Kafka Tamura, à la montagne. En le lisant, je me suis demandé si par hasard, Sakoichi Tamura n'était pas ton père. Un jour, tu tueras ton père de tes mains. Et tu coucheras avec ta mère et ta sœur. Et tu coucheras avec ta mère et ta sœur. Un jour, je tuerai mon père de mes mains et je coucherai avec ma mère et ma sœur. Kafka sur le rivage, de Haruki Murakami. Traduction Corinne Atlan. Adaptation Juliette Eman. 11e épisode. Avec Igor Manjiski, Kafka, Axel Boguslavski, Nakata, Anne Alvaro, Mademoiselle Saeki, Jonathan Cohen, Oshino, Juliette Plumcoq-Mèche, Oshima. Et les voix de Arthur Ribaud, Philippe Magnan, Sophie Froissart, Amélie Jalliet, Nadine Berland, Sophie Neveu, Mélissa Barbeau. Musique originale et piano, Denis Chouillet, clarinette, Fabrice Villard, percussion, Sylvain Lemaître. Bruitage, Sophie Bissens. Équipe de réalisation, Philippe Bredin, Bruno Mourland, Annabelle Brouard, Marguerite Gâteau. Kafka sur le rivage est publié aux éditions Bellefond.